wilaya. Nous, c'était la wilaya 4. Alors, il y avait des secteurs bien déterminés. Et ces gars, ils ramassaient, rançonnaient de l'argent à droite et à gauche dans tous les villages sous la contrainte d'armes, tout ça. Ils ne donnaient pas le choix, quoi.